Leçon 2. Pages 36 et 37. Activité 2. 3 et 4. Piste 27. Où est la cantine ? Elle est dans le bâtiment B. Et où sont les toilettes ? Les toilettes sont à côté de l'escalier. Il y a un gymnase ? Oui, il est entre la salle des profs et l'infirmerie. Ah oui, on a tout ici. J'aime bien ton école.